Le journal d'internet sud-coréen Minzo Gilbo du 3 mars a inséré un éditorial qui exige des États-Unis et des fantoches sud-coréens l'interruption des exercices de guerre nucléaire contre le Nord. Il a écrit que les exercices conjoints Kill Resolve et Aigle risquent de précipiter la péninsule coréenne dans les horreurs d'une guerre nucléaire et que les États-Unis doivent cesser immédiatement ces exercices qui contreviennent à la charte de l'ONU et conclure un accord de paix.